Va falloir faire des choses, va falloir d'autodose. Et va falloir faire de l'oseille et la Ronaldo dose. Marre de râler, râler, pompe des masses petits qui crèvent en bas. Je vois un verre de rouge, tiens mon sang, c'est du 17 en date. On reste en marche donc, 6-7 en schlagon. 17 en boîte, fonce en lice, nous la tête un avion. Malade, on prit le décollage et beaucoup scratch à l'atterrissage. Pas la pluie des connards, un gros crash à grand impact des visages. Je suis en studio pour montrer mon talent. Mais rien m'empêche de penser que j'ai toujours 100 meufs coincées dans mon pantalon. Pour un caleçon, coucou coulé. Les convocations tout tous les mois, c'est trop son merde, fuck le assaisonné de la façon d'un grec. Y'a pas de salade dans un tech. La basse, ça va sans ma tête. J'pense à la maille sans arrêt. Ça vient, ça part quand ça pète. J'rappe pas, chante la merde. T'as pas ta place, rentre ta chaîne. Ça fait cri. Y'a pas de vedette. Donc venez vénard. On est vénère. Le venin se veut vedard. C'est pas le coup final. Et n'oublie pas le tout ce qui parle. Écoute qui casse les couilles. Aura un coup de blues. Et option tout titane. J'suis pas un rappeur, juste un mec la rue poteau. Faut pas te mettre la rue au dos. Le soir ça pète, ça fume trop tôt. On est carré ici, viens pas me caresser, oh, calmez ses nasses, vous paraissez pas, mais à eux c'est oh, caresser nasses. Que veux d'art, c'est pas le coup final, et n'oublie pas le tout ce qui parle, écoute qui casse les couilles, aura un coup de blues, et option tout titane. J'suis pas un rappeur, juste un mec, la rue poteau. Faut pas te mettre la rue au dos, le soir ça pète, ça fume trop tôt. On est carré ici, viens pas me caresser, oh, calmez ses nasses, vous paraissez pas, mais à eux c'est oh, caresser nasses. Calmez ses nasses, vous paraissez pas, mais à eux c'est oh, caresser nasses.